J'ai ma place dans le royaume, à gauche ou à droite du trône. Tout homme caresse l'idée d'une femme qui l'épaule. Ne cherche pas à me comprendre, donne-toi, fais un geste et je ne ferai pas qu'un pas. Bien qu'incapable de changer de voix, te sentirais-tu coupable pour moi? Les gars de foule, dès que je suis dehors tu flippes. Et dans cette foule, on se reconnaît vite. D'un pas, j'évite les soucis baby. Un autre pas vers toi, pourrait-on construire notre vie? Là où toute proche semble entendre ce que nul autre ne pourrait comprendre. Même si j'avance et que tu ne sais pas où ça va nous mener. Certains tirent du quotidien, échec ou succès. La parole est d'argent, le silence est d'or. Un pas de plus, on est lié jusqu'à la mort. Tout est loin et je ne sais pas où ça va nous mener. C'est juste un pas de plus pour toi, c'est un pas pour rien. Pour moi, c'est du bonus, sinon je te laisserai en chien. Parfois, l'homme est injuste, mais il sait te mettre bien. Oui, oui, l'un dans l'autre main, dans la main pour ne faire qu'un. Ouais, nos pas sont francs et sûrement pas sans frais. On comprend pas, pourtant quand ça foire ça effraie. Juste un pas de retrait, juste le temps de penser. Depuis la naissance du petit, je me sens délaissé. Pourquoi? Pour toi, j'ai tout mis de côté. Pourquoi? De toi à moi, les mythos, j'ai arrêté. Ce n'est pas la peine de se soucier. C'est juste un pas pour décompresser. Trop de questions n'apporteront pas de réponse précise. Je me sens déjà condamné, bébé, c'est pire qu'aux assises. On a trébuché, on a marché, on a traversé des crises. À pas feutrer, je reviendrai, non, je veux pas lâcher prise. Tout est loin et je ne sais pas où ça va me mener. Je me demande jusqu'où tu vas, en sachant que pour toi c'est juste un pas. Alors